Monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Non, monsieur. Je vous ai vu que vous n'étiez pas plus grand que cela. Moi ? Oui, vous étiez le plus bel enfant du monde et toutes les dames vous prenaient dans leurs bras pour vous baiser. Pour me baiser ? Oui, j'étais grand ami de feu, monsieur votre père. De feu, monsieur mon père ? Oui, c'était un fort, honnête gentilhomme. Comment dites-vous ? Je dis que c'était un fort, honnête gentilhomme. Mon père ? Oui. Vous l'avez fort connu. Assurément. Et vous l'avez connu pour gentilhomme. Sans doute. Je ne sais donc pas comment le monde est fait. Comment ? Il y a de sottes gens qui me veulent dire qu'il a été marchand. Lui, marchand ? Oh, c'est pure médisance. Il ne l'a jamais été. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux. Et comme il se connaissait fort bien en étoffe, il en allait choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui et en donnait à ses amis. Pour de l'argent. Je suis ravi de vous connaître afin que vous rendiez ce témoignage-là que mon père était gentilhomme. Je le soutiendrai devant tout le monde. Vous m'obligerez. Quel sujet vous amène ? Depuis avoir connu feu, monsieur votre père, honnête gentilhomme, comme je vous ai dit, j'ai voyagé partout le monde. Partout le monde ? Oui. Je pense qu'il y a bien loin en ce pays-là. Assurément. Je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis 4 jours. Et par l'intérêt que je prends à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Quelle ? Vous savez que le fils du grand Turc est ici ? Moi ? Non. Comment ? Il a un train tout à fait magnifique. Tout le monde le va voir et il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance. Par ma foi, je ne savais pas cela. Ce qu'il y a d'avantage pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand Turc ? Oui. Et il veut être votre gendre. Mon gendre, le fils du grand Turc ? Le fils du grand Turc, votre gendre. Comme je le fais voir et que j'entends parfaitement sa langue, il s'entretint avec moi. Et après quelques autres discours, il me dit... Aksham Krok Soler Ush Ala Mustaf Ginelum Amanahem Varahini User Karbulat. C'est-à-dire, n'as-tu point vu une jeune belle personne qui est la fille de Monsieur Jourdain, gentilhomme parisien ? Le fils du grand Turc dit cela de moi ? Oui, comme je lui ai répondu que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille. Oh ! Me dit-il. Marababa Sahem. C'est-à-dire. Ah, que je suis amoureux d'elle. Marababa Sahem veut dire « Ah, que je suis amoureux d'elle ». Oui. Eh bien, par ma foi, vous faites bien de me le dire, car pour moi, je n'aurais jamais cru que Marababa Sahem eût voulu dire « Ah, que je suis amoureux d'elle ». Voilà une langue admirable que ce turc. Plus admirable qu'on ne peut croire. Savez-vous bien ce que veut dire « Kakarakamouchen » ? Kakarakamouchen, non. C'est-à-dire « Ma chère âme ». Kakarakamouchem veut dire ma chère âme ? Oui. Mais voilà qui est merveilleux. Kakarakamouchem, ma chère âme. Dirait-on jamais cela ? Voilà qui me confond. Enfin, pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage. Oh. Et pour avoir un beau-père qui soit digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi, qui est une certaine grande dignité de son pays. Mamamouchi ? Oui, Mamamouchi. C'est-à-dire, en notre langue, paladin. Paladin, ce sont de ces anciens... paladins, enfin. Il n'y a rien de plus noble que cela dans le monde. Et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la terre. Le fils du grand Turc m'honore beaucoup et je vous prie de me mener chez lui pour lui en faire mes remerciements. Comment ? Le voilà qui va venir ici. Il va venir ici ? Oui, et il amène toutes choses pour la cérémonie de votre dignité. Voilà qui est bien prompt. Son amour ne peut souffrir aucun retardement. Tout ce qui m'embarrasse ici, c'est que ma fille est une opiniâtre qui s'est allée mettre dans la tête un certain Cléonte. Et elle jure de n'épouser personne que celui-là. Oh, elle changera de sentiment quand elle verra le fils du grand Turc. Et puis, ils se rencontrent ici une aventure merveilleuse. C'est que le fils du grand Turc ressemble à ce Cléonte à peu de chose près. Je viens de le voir, on me l'a montré, et l'amour qu'elle a pour l'un pourra passer aisément à l'autre. Et je l'entends venir, le voilà.